Europe 1, circuit court. Circuit court, c'est tous les jours jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire. C'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Vous avez rencontré pour nous une avocate exploratrice qui veut faire avancer la science. Elle s'appelle Clémentine Bacri. Oui, c'est pas commun. C'est une jeune femme de 33 ans qui, plus jeune, rêvait de travailler à l'ONU pour interdire la guerre. Et pourtant, Clémentine Bacri, une grande brune, coupe au carré, est née loin des conflits. C'est d'ailleurs en banlieue parisienne, à Massy, dans le 91, qu'elle vient et qu'elle a développé son envie d'être utile envers les plus vulnérables. Et c'est d'ailleurs notamment lors d'une mission qu'elle a réalisée avec l'ONG Sherpa, spécialisée dans la protection et la défense des droits de l'homme et de l'environnement, qu'elle a eu l'idée de soutenir des communautés locales. Je revenais d'une mission dans la forêt amazonienne, où on participait à la protection, de la défense des droits fondamentaux pour des Amérindiens. Cette expérience-là, moi, ça m'a vraiment touchée. Pouvoir voyager en étant impliquée localement, en travaillant avec des communautés sur place, en ayant l'impression d'être là pour les aider, à leur demande, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée et c'est comme ça que j'ai envie de continuer à vivre. J'ai envie de participer à ça, j'ai envie d'avoir l'impression d'être avec des gens parce que ça, il y a une raison d'être, parce qu'on participe tous ensemble à rendre les choses meilleures. Que c'est des gens qui s'impliquent eux-mêmes et moi j'ai apporté mon petit coup de main là-dessus. Et Cyrielle, cette expérience amazonienne a donc été un déclencheur, mais un déclencheur de quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Eh bien, elle est partie à l'aventure, notamment avec son compagnon Adrien Normier, après avoir tous deux quand même passé leur brevet d'ULM. Ils se sont envolés ensuite avec un motoplaneur faire un tour du monde en 2012, en lançant leur projet scientifique Des ailes pour la science. Alors chaque vol consiste à récolter des données scientifiques pour aider des laboratoires locaux de recherche ou encore des ONG. Alors ils font des prélèvements atmosphériques au-dessus de volcans actifs en Indonésie ou encore ils cartographient des sites archéologiques au Pérou. Ils sont repartis il y a tout juste un an pour un périple de 18 mois. Et toutes ces micro-aventures enrichissantes ont contribué à faire non seulement avancer les choses au niveau local et même à faire des découvertes. Lorsqu'on était au Suriname et qu'on a participé à la protection des tortues marines, ou lorsqu'on était avec des archéologues au Pérou et qu'on a participé à la protection d'un site antique à Caral, et même qu'on a même participé à une découverte archéologique, on a découvert des énormes géoglyphes dans le désert, donc des dessins faits avec des pierres, ou lorsqu'au Canada, eh bien, on était avec une ONG cette fois, de chercheurs océanographes qui s'occupent de protéger les baleines, eh bien, on s'est occupé avec eux à les identifier, à les repérer, ce qui leur a permis, eux, d'arriver sur place, de mettre des balises et de faire un rapport pour dire au gouvernement canadien qu'il y avait des baleines dans le fleuve du Saint-Laurent et qu'il fallait donc interdire la prospection pétrolière pour le bien-être des baleines. Eh bien, on espère que ça a marché. Actuellement, Clémentine Bacri travaille au développement d'une application dans le but de mettre en relation des scientifiques et des pilotes bénévoles dans le monde. Une aventure qui donnera, on l'espère, des ailes aux recherches. Et pour voir les clichés époustouflants pris par ce couple en ULM, rendez-vous sur la page Facebook Wings for Science, des ailes pour la science. Merci Cyrielle Ariel. Europe 1.